Tout ce qu'on croit est faux. Moi, je mange des granola. Eh ben, tu sais quoi? Il y a des. Il y a des smacks de Kellogg's dedans. Tu vois, tout se mélange. Je dis n'importe quoi, mais je m'en fous. Je vais dire que tout ce qu'on croit est faux. En tout cas, ceux à qui on dit je t'aime. Après, il n'y a plus que de la haine. Alors tout ça, c'est la preuve que c'est juste un mensonge dégueulasse. C'est juste un mensonge dégueulasse. Et vivre comme ça nous emmènera nulle part ailleurs que dans le royaume des animaux, des enfers et des esprits malheureux. Tout ça c'est fake, ça suivez c'est le troupeau et aller en enfer avec eux si vous voulez. L'âme universelle s'identifie à des petites poupées. Alors elles parlent à travers leur petite tête de marionnette. Et putain, c'est juste un grand spectacle pas net. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Tout ça c'est. Tout ça c'est juste le résultat de l'ignorance. En fait c'est juste un putain de mauvais rêve. Vas-y fais-toi croire ce que tu veux, vas-y vas-y. Vas-y tu peux te perdre dans tous les rêves. À l'infini, jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin de l'univers, jusqu'à la fin des temps.